Troisième pièce de théâtre, Le barbier de Séville de Beaumarchais. Nous sommes au XVIIIe siècle. Beaumarchais fera jouer sa pièce en 1775, soit 14 ans avant la Révolution de 1789. Dans une rue de Séville, Figaro va retrouver son ancien maître déguisé sous une fenêtre au petit matin.